Chronique des Ligues nord-américaines, on n'a pas fait la semaine passée parce que j'étais blessé au haut du corps, comme on dit en termes de sport, mais on est revenu cette semaine. Salut Gilles! Hey, bonjour, il doit être blessé au bas du corps maintenant vu que ses Patriots sont perdus. Non, pas vraiment. Je suis quand même capable de donner à César ce qui appartient à César. Donnons crédit aux Eagles de Philadelphie. Faut dire que j'en mets Oui, beaucoup sur les une médias bonne sociaux équipe, aussi. Faut dire que j'en mets beaucoup aussi. Pour le spectacle, c'est juste agréable, c'est tout, là. Oui, puis il faut donner un crédit, comme tu le mentionnes. Les Eagles, on ne les attendait pas. S'il y avait une équipe qui pouvait causer la surprise, ce sont eux. Et le jeune quart recrue, Nick Foles, qui a très bien fait. Chapeau, félicitations. Oui. Dis-moi, avant de parler de. Parce qu'il n'y en a pas eu de chronique la semaine passée, comment ça s'est passé les funérailles de Normand Gravel? Très, très bien. D'ailleurs, ça continue de faire parler au pays du survenant, comme on l'appelle. On voudrait qu'une partie de l'endroit où il travaillait, que ça change de nom, le quai, l'embarcadère, où est le bateau qui amène les gens de Sorel de l'autre côté du fleuve à Berthier, change de nom et devienne le débarcadère Normand Gravel. Et c'est dans l'étude en ce moment. Il y a une pétition qui est signée à la ville de Sorel. Donc, on ne l'oublie pas et les gens ne l'oublient pas. Mais ça a été très sobre, ça a été très familial. Il y avait plus de 500 personnes. Ça a été très beau le samedi, ses funérailles à Sorel. OK. Donc, quand tu commences à penser à. Quand tu commences à penser à nommer quelque à chose nommer au nom d'un là, gars, là, c'est que le gars a marqué la place. Oui. Gilles, expansion. On va en parler longtemps et de haut en large. Qu'est-ce qui arrive là maintenant? Ben, écoute, le dernier scénario en titre. Il y a quelques heures à peine. Il est le même qu'il y a deux semaines dans mon cas, malgré que sur les médias sociaux, ça s'enflamme rapidement. On va se dire les vraies choses. En ce moment, il y a six clubs. Il y a une équipe qui est Trois-Rivières. Ça a été, il y a deux semaines, annoncé à l'interne. Les gens de Trois-Rivières vont terminer la saison. Étienne Boileau, Danick Lessard et les joueurs. Et la Ligue, pour les 10 derniers matchs de l'année, pour les draveurs, paie les salaires des joueurs. En retour, le propriétaire, Étienne Boileau, m'a mentionné il y a une dizaine de jours de vive voix qu'il avait suite à ça une lettre d'intention venant de la Ligue qu'il a présentée à la ville de Saint-Jean sur le Richelieu pour que lui puisse quitter à la fin de la saison, remettre les clés à Trois-Rivières et aller opérer la septième équipe, soit la nouvelle, à devenir de Saint-Jean sur le Richelieu. Pendant ce temps, le commissaire Richard Martel, avec son homme de main, son lieutenant, Denis Leblanc, préfet de discipline, s'occupe activement avec le groupe de Donald Brashear d'amener une huitième concession du côté de la vieille capitale, ce qui est important, ce qui est bénéfique, ce qui doit arriver d'ailleurs, d'avoir un jalon à Québec, à l'ancienne Lorette. Dis-moi, est-ce que le Radio X, parce que Jeff Fillion, parce que moi j'écoute beaucoup Jeff Fillion à Radio de Québec, puis il disait, ça marchait dans le temps du Radio X. Là maintenant, on n'a plus de aucune possibilité de revoir les Nordiques. Est-ce que Schwab pourrait être impliqué? Non, s'il y a quelqu'un qui est impliqué, ce sont les trois anciens joueurs de Ligue nationale qui opèrent le complexe Trois Glaces à l'ancienne Lorette. Et il faut oublier Chouet, il faut oublier Jeff Fillion, il faut oublier le passé. On va y aller avec le futur, avec les gens en place, trois anciens hockeyeurs. Ben oui. Ils travaillent très fort de ce côté-là, ça regarde bien. Donc, ça va bien du côté de Saint-Jean, ça va bien du côté de l'ancienne Lorette. Mais il faut penser à travers tout ça, et c'est important, qu'arrive-t-il avec la sixième concession, celle de Trois-Rivières? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Qui va prendre les rênes? Qui va s'occuper de vouloir faire fonctionner une équipe qui, pour une cinquième année de suite, Danny, faut pas l'oublier, a perdu au-delà de 100 000 $ Est-ce que la ville de Trois-Rivières est toujours une ville d'hockey? Est-ce qu'il y a un mécène qui veut perdre de l'argent et l'opérer? Est-ce qu'on a mentionné que l'homme, le seul qui pourrait faire revivre ça et adéquatement, est Dean Legislakos? Est-ce que lui est intéressé à revenir à la Ligue nord-américaine? Il y a beaucoup de questions, il n'y a pas de réponse. Est-ce que cette sixième concession, on devrait la déménager? Là, ça ajoute Trois-Villes. Trois-Villes sont dans le portrait également, outre l'ancienne Lorette et outre également Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Je te nomme en parallèle, on parle de Saint-Jérôme où on n'a toujours pas dit oui et on n'a toujours pas dit non, mais ce serait un beau bastion pour faire revivre la concession qui était celle de Laval par le passé, ou Saint-Roch-de-la-Chigan, où c'est un complexe trois grâces, et le promoteur s'est intéressé, dans le futur, à y amener une équipe de la Ligue nord-américaine. Entre-temps, on a eu dans son coin de pays, il y a à peu près une semaine, l'annonce possible que Robert Nall serait intéressé et Marc Boivin serait très heureux, lui, à Jonquière, d'avoir cette belle complicité et rivalité entre deux équipes du coin, Robert Nall et Jonquière, comme Thetford le fait en ce moment avec Saint-Georges et Sorel le fait aussi avec Trois-Rivières. Ce qui nous amène à penser, il reste le petit enfant seul, qui est Rivière-du-Loup, mais tu as, à 110 kilomètres de là, Edmundston, Nouveau-Brunswick, et par le passé, l'ancien commissaire a toujours dit non, alors qu'eux auraient été prêts à amener du hockey de haut calibre. Imagine qu'en ce moment, dans leur amphithéâtre, ils ont du junior A, et le junior A attire à Edmundston 2500 spectateurs et plus par match. Imagine la Ligue nord-américaine, imagine la rivalité avec Rivière-du-Loup. Donc, si je m'appelle moi en ce moment, Richard Martel, là, j'ai mes classes à faire. Là, tu viens de me dire de quoi, là, qui vient de me sonner les oreilles. J'ai pas entendu ça nulle part. C'est sûr que j'ai été malade une semaine, là. Robert Valls, qui s'est informé de Robert, pour une équipe à Robert Valls? Moi, j'ai aucune idée de qui peut s'être informé, mais ce que je peux te dire, c'est que de sources très bien informées et le confrère Dominique Bolduc, à la radio de CKAG à Jonquière, qui diffuse les matchs des Marquis, est au courant également. On s'est informé à la Ligue de ce que ça coûtait et on s'est informé à la Ligue quel était un budget d'opération. Robert Valls, à cause du programme Kraft et de ce qu'ils ont reçu comme bourse il y a quelques années, ont un amphithéâtre qui serait prêt ou tout à fait prêt à recevoir une équipe de la Ligue nord-américaine. Et le commissaire de la Ligue nord-américaine, Richard Martel, n'a pas dit non. Quand on ne dit pas non, c'est sûr qu'on ne dit pas oui. Mais il y a une ouverture d'esprit. Et là, il a officiellement annoncé à la radio samedi soir, lorsqu'il était de passage, comme moi, à Rivière-du-Loup, à la radio de Rivière-du-Loup, qui s'occupe de la machine des 3L, au hockey de la nord-américaine, que Saint-Jean, c'était bon. C'était bon également pour l'ancienne Lorette et qu'il y avait une troisième ville dans le dossier, sauf que cette ville n'était pas tout à fait prête parce qu'elle n'avait peut-être pas le nombre de sièges requis. Est-ce qu'on parle de Saint-Roch-de-Lachigan? Est-ce qu'on parle de Robertval? Ou est-ce qu'on parle de Saint-Jérôme? Ce sont des amphithéâtres qui n'ont pas le 1500 sièges. Est-ce que c'est ça qui manque, un 200-300 sièges pour amener une de ces trois concessions-là? Je le pense. Mais aussi, tu en ajoutes une autre, mon ami. Faut pas l'oublier. C'est eux qui ont cogné à la porte il y a à peu près trois semaines en disant: vous nous avez manqué en septembre dernier, on était prêts, peut-être que vous n'avez pas cru, mais là, on est plus prêts que jamais, puis vous allez nous croire, c'est Berlin au New Hampshire, et eux attendent une réponse. Mais tu n'as toujours pas nommé la ville qui est la plus plausible dans ma tête à moi pour avoir une équipe de... Lévis, mais personne n'y parle, personne n'en parle, personne ne fait rien, personne ne réagit, et je l'ai nommé, tu l'as nommé, on t'écoute, on nous écoute sur les médias sociaux, les propos qu'on fait dans toutes les radios qui suivent de près les activités de la Ligue nord-américaine, il y a ce que j'appelle des écouteurs, comme les bons partis politiques, comme les bons postes de police qui rapportent fidèlement nos propos, comme du miel au commissaire et à ceux qui l'entourent, Gilles Rousseau, ou même son ami Denis Leblanc. Et on est scruté à la loupe, mon cher Danny. Mais ils l'ont entendu, ce mot-là, Lévis, mais ça n'a pas cogné Lévis à la porte de la Ligue nord-américaine. La Ligue nord-américaine semble peut-être dire: je vais y aller pour un marché avant d'en avoir deux dans le coin de Québec Area. Et on parle de l'ancienne Lorette. Puis ça, l'ancienne Lorette, c'est pas d'aujourd'hui, là. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Ça fait 5 ans qu'on sait que Donald Brashear est intéressé. Mais à l'époque, le commissaire disait non parce qu'il pensait que les Nordiques seraient revenus puis il aurait joué d'impact. C'est la même chose comme Saint-Jérôme. Ça fait 3-4 ans qu'on entend parler que Laval devrait déménager là. Et Laval ne l'a pas fait. Donc, on semble maintenant ouvert d'esprit, Laval ou Saint-Roch-de-Lachigan. Pour mentionner à tes gens, Saint-Roch-de-Lachigan, c'est près de Joliette, c'est une 40aine de kilomètres de Laval. Si jamais Saint-Roch-de-Lachigan, on lui donne une concession là pour le prochain mois, le septembre 2018, la prochaine année, ou qu'on le fait à Saint-Jérôme, tu sais ce que cela veut dire, hein? Tous les joueurs prêtés cette année de Laval à toutes les équipes de la Ligue, comme Adam Rousseau, qui lui est le gardien vedette avec Saint-Georges, ou je pense, par exemple, à David Massé avec Sorel, qui n'ont pas nommé plein d'autres, ben, doivent retourner à ce moment-là à leur territoire d'origine, qui est le territoire de Laval. C'est pas fait, mais ça pourrait arriver. Moi, je vais te dire une affaire, je reviens là-dessus. Là. Tout ce que tu me dis là, j'en ai perdu un bout, parce que ça vient de tomber sur le derrière quand tu me parles de Robert Val, parce que, honnêtement, là... Regarde, je pense que ce serait un échec déjà, parce que, écoute, en région comme ça, là, tu sais, Tu sais comment que ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher de faire du hockey en région éloignée comme nous autres qu'ailleurs, que partout ailleurs. Et Roberval, est-tu assez gros pour ça? Pas sûr. La réponse, je ne la connais pas. Ce que je peux te dire, c'est quand on mentionne Roberval et qu'on n'ostine pas cette réponse du côté des Marquis de Jonquière, qu'on l'appuie, ah, c'est bon signe parce qu'il parle toujours de rivalité. Et en ce moment, le nom de Roberval revient. Moi non plus, je ne l'avais pas entendu. Oui, je vais te dire une affaire. Il m'est apparu il y a 3 semaines. Tant qu'à ça, Alma est beaucoup plus stable. Si jamais, là, Alma est plus près de, selon moi, que Roberval. Mais en tout cas, regarde, je sais que on les va suivre ce marquis par dossier-là. Le On passé. va prendre, j'ai des, c'est quoi le mot? Les tentacules à Roberval? J'ai beaucoup de tentacules. On va fouiller le dossier. Parce que c'est toute qu'une nouvelle que tu viens de me dire ça. En terminant, oublie pas une chose, là. Ouais. C'est que Roberval, c'est la ville qui elle-même leur fait la demande d'information. Alma n'a que le faire à la Ligue nord-américaine et c'est pas arrivé. Mais rappelons-nous une chose, les Marquis ont fait dans les 3 dernières années des matchs pré-saison. Sorel, entre autres, a été impliqué une fois, Trois-Rivières aussi une autre fois, ailleurs qu'à Jonquière. Ils sont allés jouer en périphérie. Je pense qu'ils sont allés une fois jouer à Kenogami ou une fois à Roberval. Ils sont peut-être allés également du côté d'Alma. Ils avaient déjà sondé un terrain, l'organisation des Marquis ou la Ligue nord-américaine, parce que je sais que dans l'optique en terminant du commissaire, c'est de faire ce que Trois-Rivières-Sorel ou Thetford-Saint-Georges, des rivalités avec les autres équipes. Et les deux autres, ben, la plus belle pourrait être justement, notamment du côté de Rivière-du-Loup. On en a parlé tantôt au Nouveau-Brunswick. Et on parle aussi chez vous. Ben là, chez vous, regarde, moi, je suis ouvert. Si tu me parles d'Alma, je suis bien d'accord. Que ce soit pas Alma, que ce soit Roberval, ou que ce soit même Kenogami. Mais il faut une équipe dans le coin pour aider la rivalité. Parce que oui, tu le dis, les voyages, c'est loin. Et c'est encore plus loin dans le temps que Jonquière allait à Cornwall, en Ontario. Ben ouais, regarde, c'est parce que là, tu parles de Berlin. Tu parles de Berlin, là. Faut que le Winston arrive l'année après. Oui, ou la même année pour minimiser les voyages. Ouais, parce que, exemple, Jonquière va aller au Winston un vendredi soir et le lendemain soir, va à Berlin. On minimise les voyages. On y va notamment pour un coucher, l'autobus, et tu y vas une fois dans l'année parce que tu as 2 divisions et dans cette autre division, tu ne fais qu'un 2 matchs, tu comprends-tu? Donc, il faut que ce soit comme ça. Et Lewiston et Berlin pourraient être dans la division où se retrouveraient, par exemple, Thetford, Saint-Georges, Sorel, qui sont des marchés à 5 heures d'autobus près de ces villes-là. Mais tu ne peux pas imposer ça à Rivière-du-Loup ou encore moins à Jonquière. Mais ce serait bon parce que si cette équipe était capable de jouer dans la Ligue fédérale aux États-Unis, Berlin, moi je pense qu'elle a la capacité de le faire dans notre Ligue également. Bon, on va suivre ça de près. Les joueurs de la semaine dans la Ligue nord-américaine? Ben, c'est de écoute, je ne les ai pas en tête là, parce que je ne suis pas mon bureau. Je suis le voiturier en ce moment. Oui. Mais je sais qu'Eston Brodeur est la 2e étoile. Je sais qu'il y en a un de Trois-Rivières. Non, c'est de bons choix. Les joueurs du monde ont été également de très bons choix. On a pensé à David Rose pour janvier du côté des épaviers offensifs. On a pensé également à Mathieu Boudreau chez toi, au Saguenay, à Jonquière, comme un recrue qui est excellent. Et Charles Corsi de Sorel comme joueur défensif. Non, c'est bien, mais tu sais qu'il reste 4 semaines seulement. Il reste environ 21 matchs seulement avant les séries qui commencent le 9 mars prochain. Ouais. Rien n'est décidé. Jonquière a 4 points de retard, mais 2 matchs en main sur Sorel. Et il reste 8 matchs à Jonquière, 4 à la maison, 4 sur la route. Il en reste 6 à Sorel, 4 à la maison, 2 sur la route. Ça va joindre ces 2 équipes pour le premier rang. Mais là, bien malin, Danny, qui pourrait me dire le 4 mars au soir, c'est vrai que ça se termine la saison, qui va être 3, qui va être 4, qui va être 5, qui va être 6, parce que les 4 équipes peuvent changer encore d'emplacement. Et on sait que les 3 premiers ont l'avantage de la glace pour le 4-7. Ça, c'est important. Oublie pas par la suite que les 3 perdants, là, tu vas prendre les 2 meilleures fiches de la saison régulière pour un 2-2-3. Et le gagnant de ce 2-2-3-là va aller retrouver, mais en 4e place, les 3 autres. Exemple, les Marquis se font sortir, ils sont premiers, puis ils vont, chanceux, gagner le 2-2-3. Ils retrouvent les 3 autres, mais ils ne recommencent pas premiers, ils vont commencer 4e. Et c'est ça qui est important de mentionner pour les demi-finales des 4 clubs qui restent pour un 4-7. Puis après ça, en début mai, mais tu vas avoir la grande finale 4-2-7. Je vais te lancer un nom comme commissaire. Je viens d'avoir un flash. On va se vanter. Oui, c'est Danny Veilleux. Non. Denis Gauthier. Ben, ça pourrait être bon. Mais je pense que le gars qui pourrait aller commissaire, il faut que je t'avoue une chose en terminant, que lorsque les élections vont être déclenchées, on annonce les élections pour, semble-t-il, la mi-mars, selon les dernières nouvelles que j'ai eues. Si c'est le cas, M. Martel quitte immédiatement, s'en va en carrière politique, parce que c'est 31 jours, 36 jours, puis après ça arrive, bien entendu, l'électorat chez vous pour le Fjord. Mais pendant son absence pour la fin de son contrat jusqu'au 1er juin, c'est l'intérim par les propriétaires eux-mêmes qui vont la faire à même les 6 propriétaires d'ici la fin de la saison. L'an prochain, après, lorsqu'au début de juin, on aura les assises annuelles, là, on devra y aller. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'on doit penser à quelqu'un qui a gravité au sein de la Ligue nord-américaine et qui connaît les rouages de la Ligue nord-américaine sans rien enlever de Denis Gauthier. Il faut que ce soit quelqu'un qui est issu de la Ligue et qui connaît la Ligue, qui se doit d'être là. Et là, on a une multitude de très bons anciens joueurs de hockey. Ouais, mais... Parce que un commissaire, là, ça prend un gars comme exemple. Je vais te donner vite un nom. Éric Doucet ou Grégory Dupré. Des anciens joueurs qui sont là pour faire le sourire, rencontrer les médias, aller dénicher avec l'aide d'un gars qui est en place aux ventes, de bons commanditaires. Ça prend un gars qui va vendre le produit. Pour le reste, sers-toi de bons outils, de bons employés de service qui sont aussi forts que toi, sinon plus forts, mais qui vont t'aider à faire la job et non pas ce que l'on appelle un one-man show. Non, ça a peut-être été fait par le passé, qui a été corrigé cette année par Richard Martel, qui a fait un job formidable à date. Oui, mais Denis Gauthier, quand même, OK, il vient pas de la Ligue nord-américaine, mais par contre, il est d'un média de Montréal, très branché, donc là, vous auriez carrément, il est là-dedans, là, carrément, il a une belle personnalité, vient de la Ligue nationale de hockey, il amènerait cette crédibilité-là. Moi, je pense, du coup, c'est un nom que je lance en l'air demain, mais t'as pas l'air de vendre mon idée. La meilleure chose qu'on peut y faire, c'est de lui demander. Je sais qu'il est à Drummondville, il s'amuse beaucoup avec le junior majeur, avec le collège Saint-Bernard. C'est un gars qui est très articulé, comme tu le dis, qui est bien positionné dans les médias. C'est une bonne tête de hockey, c'est un gars que je connais. Moi, Denis, je suis certain, mais encore là, un gars qui va aller là, Danny, il faut qu'on lui donne les coups des franges. Il faut qu'on lui donne le carnet ouvert et fait le job. On vient pas te mettre des bâtons dans les roues à chaque fois parce que moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça, moi, je veux ci, moi, je veux pas ça. Le problème à la Ligue nord-américaine, en ce moment, il y a 6 propriétaires, mais les 6 ne font pas ensemble un front commun. Chacun tire dans sa direction. Et je sais, Jean Martel a des fois de la difficulté. Moi-même, j'en aurais, si j'étais à sa place, quand je regarde ça de l'extérieur, je me dis, j'ai hâte au jour où les 6 vont faire un front commun et bien s'entendre, ce qui est malheureusement pas le cas. OK. Donc, on s'en reparle la semaine prochaine, Gilles? Oui, puis entre-temps, je vais tenter de passer par Drummondville et de saluer Denis Gauthier pour poser la question, puis toi, je t'envoie faire ton Colombo du côté de Bernard, c'est que j'ai, ton grand j'ai manteau et ta voiture décapotable. En même temps que je te parle, je suis déjà en contact avec des gens du hockey mineur sur les médias sociaux, puis ils n'ont pas entendu parler de la rumeur, mais je sais pas d'où ça part, mais écoute, t'es très renseigné, là, ça vient pas d'un petit clin, là. Fait que j'ai hâte de voir. Je vais te donner une réponse en terminant. Tout le monde sur les médias sociaux se dit, quand est-ce que la Ligue nord-américaine va annoncer qu'est-ce qui arrive à Tommy Bolduc? Nous, on sait déjà à l'interne des journalistes, parce qu'on a publié le dossier, que Tommy Bolduc est suspendu indéfiniment. Mais ils l'ont pas sorti sur le site de la Ligue nord-américaine. C'est à peu près la même chose, Robert Valls. Nous, on sait que c'est vrai, mais personne n'en parle parce que, des fois, c'est pas dire trop de nouvelles, parce que c'est pas bon de dire trop de nouvelles. Non. Le vrai fan de la Ligue nord-américaine, puis si on revient dans le passé, il y en avait beaucoup d'un gradin. Pourquoi? Parce qu'on en parlait beaucoup de la Ligue, qu'on n'avait pas peur de donner des nouvelles, puis des fois, ben, une sur trois, c'était vrai, puis une sur trois, ben, ça tombait dans l'oubli. Mais nous, on est là pour informer et dire ce qu'on pense, ce qu'on sait, et toi, comme moi, quand on sort une nouvelle, ben, c'est parce qu'on l'a fouillé, sinon on ne la dirait pas. OK. Bon, ben, merci beaucoup, on se reparle prochainement. Gilles Péloquin, monsieur Ligue nord-américaine de hockey.